le latin est bien vivant. Si une tradition stupide née en France est répandue d'abord par ceux qui voulaient le tuer, a taxé le latin de « langue morte », son emploi est loin d'être mort, comme vous avez déjà pu le constater plus haut. Ce tronc commun, aux ramifications multiples, vit depuis plus de 25 siècles, car il ne se limite pas aux célèbres textes toujours abordés par les latinistes au lycée et à l'université. Mais ces textes prestigieux représentent à peine 0,01% des ouvrages écrits en latin. Car le latin n'a cessé de vivre durant tout le Moyen-Âge et les temps modernes, et en 2017, il est toujours bien vivant en tant que langue culturelle.